Chapitre 16. Allez, mon petit bonhomme. Le verdict du public est injuste pour les Français. Il n'y aura aucune faute et aucun carton. L'arbitre demande à Faitsen de se lever rapidement. Il frôle le carton jaune pour la simulation. Pendant la pause interactive, Faitsen a pu se réveiller et retourne sur le terrain. Dès l'action offensive suivante, un décroche une énorme frappe face à son nouvel ennemi. Le ballon traverse un troupeau de jambes russes et va droit sur le gardien, mais... Le portier fait ce qu'on appelle, depuis 1984, une arconada. Après avoir bloqué le ballon, il le fait glisser sous son corps avant de le laisser filer au fond des filets. La justice est quelque peu rétablie puisque la France égalise et le malhonnête gardien est ridiculisé devant la planète du ballon rond entière. La Russie et la France sont à égalité, un partout. Les membres russes décident de faire sortir leur gardien. On risque de ne plus jamais le revoir. Cette égalité est gardée et peut-être menacée à la 88e minute, avec un attaquant russe qui se retrouve face à face à la cage française, vide, mais dévie sa frappe pour la mettre au-dessus. C'était la balle de match, la balle de l'élimination française. Mais elle a été ratée. Le fautif est immédiatement sorti par le président. L'arbitre siffle la fin du temps réglementaire sur le score de 1-1. Nous allons avoir droit à la séance de tir au but américain, la même qui ne leur a pas réussi face au Canada lors de barrages intercontinentaux. Superstitieux, les réseaux sociaux décident l'ordre des 11 tireurs, les 5 premiers en priorité. Le gardien, pour gagner 0-2, va devoir être vigilant et surtout héroïque. Le premier tireur sera français, et il s'agit de Wolf 75. Celui qui a lancé le ballon en profondeur, causant le tournant du match, va ouvrir le bal. Il court à pleine vitesse vers le gardien russe, qui n'a que 25 minutes dans les jambes. Wolf 75 place un beau ballon entre les jambes du gardien pour donner l'avantage au bleu. Le deuxième tireur est russe et parvient à battre pour gagner 0-2. Nabir 69 et Dil 48 marquent également, tout comme leurs homologues russes. Nous sommes à 3-3 et c'est au tour de Grid 71 de poser le ballon sur le point central. Il se place face au gardien et tente un lob au-dessus de la barre transversale. La Russie a l'occasion de prendre l'avantage avec son quatrième tireur, et c'est chose faite. Le cinquième tireur est blanc-bague. Il n'a pas le droit de se louper. En cas d'échec, les Russes empêcheront le point de la victoire. Blanc-bague tente la roulette face au gardien russe et... le dribble avec pour mettre le ballon rond dans les filets. Pour rester dans la course, pour gagner 0-2 devra arrêter le ballon de l'attaquant russe. La pression d'un pays est sur les épaules de pour gagner 0-2. Et il ne déçoit pas, car il stoppe la tentative russe. Les bleus sont de nouveau dans la course, à 4-4. C'est ensuite Faitsen, le buteur, de tenter sa chance. Sa tentative part droit vers la lucarne russe et redonne l'avantage à l'équipe de France. Cet avantage peut être conservé et débouché vers le point de la victoire si, pour gagner 0-2, venait à stopper l'assaut russe. Encore une fois sous pression, le gardien doit montrer que les paysans sont prêts à redevenir grands. Ce genre de séance de tir au but redonne plein de souvenirs aux observateurs français. Le hashtag le plus populaire est devenu hashtag « Allez mon petit bonhomme » en hommage à Thierry Roland, encourageant Luis Fernandez en 1986. Un clin d'œil qui porte bonheur, puisque pour gagner 0-2, sort le ballon russe et offre la première victoire des Bleus dans cette Coupe du Monde, ce qu'il n'avait pas vécu depuis 36 ans. Une victoire pleine d'espoir avant de voir le Qatar et la Russie s'affronter le week-end prochain. Chapitre 19. Pour le suspense. L'équipe de France fait partie des 4 vainqueurs de la soirée, au même titre que le Brésil, les États-Unis et la Corée du Sud. Un pays par continent présent a remporté son match. Côté sud-américain, la Selaçao n'a pas perdu son héritage technique. À l'image des Pelé, Ronaldo ou encore Neymar, la nouvelle génération brésilienne continue d'aimer les dribbles. Ils ont fait profiter le public japonais de tous les skills avec, à la clé, pourquoi pas se faire remarquer et intégrer la prestigieuse Japan Masters League. En attendant, le Brésil n'a fait qu'une bouchée du Canada, en s'imposant 3-0. Les États-Unis affrontent l'Argentine. La sélection argentine peine à redevenir cette grande équipe qui a fait partie des titans du football. Pour preuve, ils ont dû se qualifier via les barrages intercontinentaux. De leur côté, les Américains ont leur carte du Big 8. Le Saucer a plus ou moins percé aux USA et profite de la cote de popularité d'eSports aux States. Surtout depuis qu'il existe une énorme compétition organisée tous les 3 ans, alliant Saucer, Madden, Air Force et Ice Impact, les 4 sports majeurs. Le rêve américain est de créer le premier championnat annuel où sont mêlés ces 4 sports. Encore faut-il se perfectionner en football. En battant l'Argentine 1-0, les USA font un petit pas vers la gloire. Le premier match voyait le Royaume-Uni jouer contre la Corée du Sud. Un territoire unifié pour un seul objectif, être la meilleure équipe de football. La Corée du Sud, de son côté, est toujours en guerre contre ses voisins nord-coréens, et cela serait inconcevable de voir un jour une équipe de Corée réunifiée, 110 ans après leur séparation. En attendant, les Tigres d'Asie font honneur à leur continent en battant les Britanniques sur les terres chinoises 3-2. Afin de ménager le suspense, la eSports Fédération a décidé de modifier le calendrier. Le pays hôte, jusque-là en repos, va affronter l'équipe qui a perdu son premier match. Ainsi, ils espèrent voir la Chine, l'Inde, le Japon et le Qatar gagner et disputer la 3e journée comme un quart de finale. Cette modification a causé le mécontentement de l'Argentine, qui n'avait pas prévu un second match aussi rapidement. Côté français, le calendrier définitif n'a pas changé, puisque la Russie était déjà prévue dans sa confrontation face au Qatar. Chapitre 18. Qatar, nouvelle terre de football. Le Qatar va être le futur adversaire des Bleus. L'équipe de France va pouvoir observer les Qataris lorsqu'ils affronteront la Russie. Mais le Qatar est plus qu'imprévisible. En quelques années, le Qatar est devenu un géant du football. Tout a commencé, footballistiquement et médiatiquement, avec le rachat du PSG par la QSU, mais il a fallu attendre plusieurs années avant de voir le Qatar faire du football à domicile. Encore une fois, l'Émirat a dû sortir le chéquier pour parvenir à ses fins et tenter ce qu'ils ont réussi avec le handball. Avec la création du Qatar Galaxy Championship et le transfert des sièges du PSG ou encore du Real Madrid sur les terres de Doha, le Qatar a pu structurer une future grande nation. Profitant des centres de formation du QSU Saint-Germain et du Real Fly Emiratas, l'équipe nationale qatari a vu sa sélection être gonflée par des jeunes prodiges. Ils se montrent sous leurs plus beaux atouts. Qataris d'origine française, espagnole ou encore brésilien, rares étaient les Qataris de pure souche lors des premières montées en puissance du Qatar. Ce début d'ère a également été favorisé par le mondial hivernal organisé en 2022. La sélection ne fut pas reluisante, mais cela pouvait présager de belles choses pour la suite. La génération de joueurs nés sur le sol qatari en 2022 avait 26 ans lors du premier acte des Anabis en 2048. Aujourd'hui, ils ont 28 ans et jouent ensemble depuis 8 ans en sélection. Parmi les 11 titulaires, 4 joueurs évoluent au QSU-SG, 5 au RFE, autant dire que les automatismes sont là. Encore une fois, aucun joueur ne se retire du lot. C'est un collectif qui remporte les matchs de l'équipe nationale. Si le Ballon d'Or existait encore, nul doute que plusieurs joueurs qataris l'auraient emporté ces 4 dernières années. Le Qatar n'a pas de Messi, mais a de véritables grandes stars, habitués à jouer au football depuis le plus jeune âge et payés des sommes astronomiques dès 15 ans afin de ne pas les laisser filer aux championnats concurrents. Aujourd'hui, l'équipe nationale du Qatar est une entreprise cotée en bourse et véritable vitrine du championnat qui veut être la référence. Le mondial 2050, avec une finale sur Mars, peut-être le point d'orgue de cette suprématie. Le Qatar veut être le meilleur. Peu importe si en face il y a la Russie ou la France, rien ne peut les empêcher d'aller gagner sur Mars. Chapitre 19. La fin d'un cycle. La semaine est passée très vite pour les Bleus, puisqu'ils ne joueront pas ce week-end. Ils regardent avec beaucoup de curiosité les informations sur la Russie et le Qatar. Il y a une semaine, aucun joueur ne pensait qu'ils allaient avoir l'occasion d'aller se qualifier pour les demi-finales du Mondial 2050 en affrontant le Qatar sur ses terres. Encore faut-il que les Qataris l'emportent face à la Russie. Rassemblés dans un bar français, le club France observe leur futur adversaire affronter le colosse au pied d'argile qu'ils ont fait tomber la semaine dernière. La Russie a de nouvelles têtes, puisque le portier, coupable d'un attentat sur Saïd-Fun, mais surtout à l'origine d'une énorme boulette, a été radié de la sélection. Trois autres joueurs ont été renvoyés au pays afin de s'expliquer avec le président russe. Côté Qatari, c'est la plus belle vitrine qui a été montée. Le pays veut montrer aux autres hôtes asiatiques qu'ils sont au-dessus du lot. Leur objectif est de gagner ce précieux titre et ne veulent pas laisser respirer toute personne voulant s'y opposer. Le message est clair et cela se traduit sur le terrain. La rencontre est à sens unique et le score sans appel, 4-0 pour le Qatar. Est-ce la fin d'une génération russe? En tout cas, la sélection russe retourne à Moscou et ça sent la grande lessive. De nombreux investisseurs étaient prêts à mettre un gros chèque pour développer un championnat capable de concurrencer les géants asiatiques. Seront-ils toujours aussi chauds? Les dollars ne tourneront-ils pas vers un pays comme la France? Dans les autres rencontres, la logique a été respectée. Le Japon a battu le Canada 2-0 et renvoie les Canucks chez eux. La place en demi-finale se disputera dans cette poule entre le Japon et le Brésil. La Chine a explosé le Royaume-Uni et élimine les petits-fils de David Beckham grâce à un score de 4-1. Le quart de finale se disputera entre Asiatiques, avec d'un côté la Grande Muraille et les guerriers de Taguk. Le dernier match s'est terminé au tir au but américain, car l'Inde et l'Argentine se sont quittés sur le score de 1-1. L'équipe d'Inde y a donc battu l'Argentine 3-0. Les Wonder Boys devront battre les États-Unis lors de la troisième journée. Chapitre 20. Jour historique. Nous sommes désormais à 24 heures du grand rendez-vous. La mission est difficile pour les Bleus. Ils doivent battre le champion du monde en titre afin de se qualifier pour les demi-finales devant un stade complètement conquis à la cause du Qatar. Les Bleus étaient, avant le mondial, classés 113e national au classement ISF. À titre de comparaison, en février 2014, c'était le Tadjikistan qui occupait ce rang. Ce petit poucet va devoir se défaire de la sélection qui est, ni plus ni moins, leader de ce même classement. C'est comme si, en 2014, le Tadjikistan devait sortir l'Espagne devant son public pour les priver du carré final de la Coupe du Monde. Mais aujourd'hui, nous sommes le vendredi 28 janvier 2050. Aujourd'hui, Bruno Metsu aurait eu 96 ans. Gianluigi Buffon souffle sa 72e bougie. 163 ans plus tôt, la Tour Eiffel commençait à être reconstruite, mais le jour historique pourrait être ce samedi 29 janvier 2050. Jour célèbre ou pas, Qatar-France. La pression est autant présente côté qatari que français. Au Qatar, on sent le vent tourner. La fougue française a montré que 16 hommes pouvaient déplacer des montagnes. L'exploit contre les Russes a été minimisé par l'écrasante victoire du Qatar face à cette même nation. Mais attention, la France peut surprendre, comme elle l'a fait il y a 2 semaines. Les Qataris le savent et voudront prendre l'avantage psychologique dès le début. Français et Qataris ne se sont jamais affrontés en match officiel. Quand le Qatar est monté en puissance, la France est descendue en flèche. Lien de cause à effet? Nous pouvons émettre les hypothèses que nous voulons, mais imaginons que ce 29 janvier, la tendance venait à s'inverser. Si la France venait à sortir le tenant du titre devant son public dès le premier tour, comment va pouvoir rebondir la nation de Doha? Nous n'en sommes pas encore là, mais le football est devenu une entreprise tellement bien ficelée au Qatar qu'une défaite n'est même pas envisageable et ne pourrait pas perturber le ballon rond qatari. En attendant, la pression est dans les deux sens, même si voxpopuli.com chambre pas mal les bleus en sous-estimant les ouvriers tricolores. Excès de confiance ?